le train. Bienvenue là où il y a du soleil sur Vivacité, il est 11h. L'actualité, on accueille David Rifon. Bonjour David. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Tout d'abord cette information, évitez de vous engager sur l'autoroute E42 à hauteur de Héron en province de Liège. L'autoroute est bloquée dans le sens Namur-Liège. Un accident a causé un mort et plusieurs blessés graves ce matin. Des blessés qui ont été emmenés en hélicoptère dans les hôpitaux de la région. L'autoroute a été bloquée pour permettre à cet hélicoptère de se poser mais aussi pour évacuer les automobilistes bloqués sur l'autoroute. Le parquet est attendu sur place. D'ici là, l'autoroute reste fermée. On en reparle dans notre point RTBF Mobile Info à la fin de ce flash. C'est une information de nos confrères du journal L'Écho. 50 emplois menacés au sein des ateliers Louis Carton, une entreprise spécialisée dans la chaudronnerie industrielle, une entreprise historique créée en 1878 à Tournai. Cette société a été placée en réorganisation judiciaire en juin dernier. Selon les professionnels du secteur, l'activité a très peu de chances d'être relancée en raison de la concurrence asiatique dans ce secteur des cimenteries et des minéraux. Les ateliers Louis Carton appartiennent au groupe français CIF depuis 2013. Et sont réputés dans la conception et la fabrication de gros équipements de broyage à destination des cimenteries et du secteur des minéraux, des activités en régression en Europe. Les élèves belges n'ont pas la bosse des maths et c'est un euphémisme. Les résultats du dernier CE1D en maths, CE1D, l'examen obligatoire en fin de deuxième secondaire, ces résultats en maths sont inquiétants. Seul un élève sur deux a réussi l'épreuve. C'est le score le plus bas en 5 ans. Et pourtant, selon les experts, les questions étaient très simples cette année. Les résultats du CE1D ne sont pas bons non plus en langue. C'est un petit peu mieux en sciences et surtout en français. En France, 2000 personnes attendues en début d'après-midi à la cathédrale de Rouen pour les funérailles du père Hamel. Le père Hamel, assassiné mardi dernier par deux terroristes, la cathédrale sera placée sous haute sécurité. Ensuite, Jacques Hamel sera inhumé en toute intimité en un lieu tenu secret. RTBF Mobile Info, Jean-Marc Strel, on revient évidemment sur cet accident à Ucorgne sur la E42. Oui, effectivement, il s'est produit vers 8h30 ce matin, un peu avant. Donc l'E42 Namur-Liège sur le viaduc d'Héron où le passage s'effectue, mais uniquement via la bande de droite. Et donc il y a toujours, on défile bien évidemment depuis Coutouin sur 5 km, c'est en direction de Liège. Vous pouvez toujours sortir à Héron, sortie numéro 8, pour prendre les nationales et reprendre un peu plus loin le 42 en direction de Liège. Voilà les dernières informations que nous avons pour le moment. En tout cas, dans l'ensemble, soyez prudents sur les routes car manifestement, il y a eu des conséquences par rapport à la pluie et même des chaussées inondées comme le Ring 9 de Charleroi dans le tunnel Renault. Cette chaussée est d'ailleurs fermée vers l'A54. Quelques ralentissements aussi sur le 411 venant de Namur entre Overijs et Lyonnard. C'est pour rejoindre Bruxelles. En ce qui concerne le ring extérieur, c'est assez dense entre Lyonnard et Terveren vers Zaventem, à hauteur de Wemel vers Grand-Bigard. Pour la circulation intérieure entre Bercé-les-Forêts vers Grand-Bigard dans la zone des travaux, à hauteur de Zaventem et Wezembeek-Oppem aussi, et jusqu'à Terveren en direction de Waterloo. Et puis un accident s'est produit sur l'A12 envers Bruxelles à hauteur du tunnel Bovreid. La bande de droite est neutralisée. Je ne suis pas sûr de la prononciation. En tout cas, il y a des petits soucis là-bas et donc des fils qui se sont formés en direction de Bruxelles. Di, votre partenaire pour l'été. Solaire, mini-format, premier soin. Tout est chez Di. Di. Faites-vous plaisir. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 11h03 sur Vivacité, mon cher Stéphane. Pour un air de vacances, bien là, il y a beaucoup de pluie dehors. On va essayer de faire rentrer le soleil dans ce studio. Ah, ben c'est la seule émission vitamine D garantie. Hein, ah, ben merci, je reste alors. C'est promis, parce que par heures. La fenêtre, quand on regarde, c'est pas terrible. Bah, d'ailleurs, on l'a fermée la fenêtre. Hein, et on ne voit pas l'extérieur. Plus. On s'est renfermé. On a mis les spots parce qu'on peut même les faire clignoter. Ça va être la fête jusqu'à 13h et tout à l'heure, midi, pour le prochain point sur l'actualité. Vous voulez investir auprès d'une personne de confiance? Rendez-vous chez l'agent bancaire AXA près de chez vous ou sur axabank.be/investir. AXA, réinventons la banque. Un air de vacances sur Vivacité. De 11h à 13h avec Stéphane Piedbeuf. Bon, ceci dit, plein de courage. Hein. Si vous êtes sur la route, soyez très prudent puisque il y a beaucoup de chaussées gorgées d'eau. Voilà, il y en a qui sont arrivés limite en retard aujourd'hui au boulot parce que bah, forcément il y a des accidents et puis les gens sont prudents aussi. Donc soyez-le aussi prudent sur la route, bien sûr. Alors nous, on va vous apporter du soleil, c'est sûr. Il va briller de mille feux sur Vivacité dans un air de vacances avec les people qui sont en vacances. On parlera avec Axel Hirsou qui a représenté la Belgique au grand concours de l'Eurovision de la chanson et puis Jean-Pierre Castaldi aussi. Qui était là pour la boîte à images. Il a fait une tournée chez nous, on s'en souvient. On a beaucoup parlé ces derniers temps et on va l'appeler pour savoir ce qu'il fait pendant ses vacances, s'il préfère par exemple la mer, la piscine ou la montagne. Et puis bien sûr, il y aura la météo des plages et de vos vacances, celle que vous demandez à Caroline Gillet tout au long de la semaine. Sachez qu'on va prendre la direction de Mont Dégobé. C'est carrément en Jamaïque, ça, hein. Donc on va partir loin, on va vous apporter du soleil et puis les incontournables tubes de l'été. Et tout à l'heure, il y aura Opus. Life is life. Life is life. Et un magnifique cadeau qui va vous emmener en vacances aujourd'hui à gagner un pass familial pour profiter du parc Océade. C'est le parc aquatique numéro 1 en Belgique et en plus la possibilité pour toute la famille de profiter également de Mini Europe avec le défi, le jeu de plage. Retrouver une chanson à partir d'une seconde. On en parle juste après Nevy et j'écoute du Miles Davis. Bienvenue dans Un air de vacances. Un air de vacances sur Vivacité. Ma peine au fond d'une fiole, puisqu'on ne sera plus ensemble. Si fier qu'on s'abandonne, c'est fou ce qu'on se ressemble. On ne se reverra pas. T'aimes tant te faire du mal. L'amour c'est comme ça. Tout ne tient qu'au détail. Alors j'écoute du Miles Davis. Et le temps passe. On s'afflige des supplices. Puis on se lasse. Prisonnier de mon spleen. La peine c'est pas du toc. Des larmes de crocodile en fond Herbie Hancock. Donne-moi de tes nouvelles. Si la nuit tu es seul, peu importe qu'on s'aime ou qu'on se fasse la gueule. Alors j'écoute du Miles Davis. Et le temps passe. On s'afflige de supplices. Puis on se lasse. Alors j'écoute du Miles Davis. Et le temps passe. On s'afflige de supplices. Que tu m'aimes au fond de cette spirale, ce fan, les chrysanthèmes, ce fan, tous tes pétales. Alors j'écoute du Miles Davis. Dans un instant sur Vivacité, notre tout premier tube de l'été et c'est un tube en puissance. Restez bien avec nous. Un air de vacances sur Vivacité. Alors, j'ai l'habitude de tout vous dire dans cette émission. C'est Fabien qui réalise l'émission aujourd'hui et il fonctionne à l'énergie solaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est vachement sadique. Il est vraiment sadique. Non, parce qu'on est en train de son guirlandais pendant la chanson de Navy. Parce que là, il a dit, oui, non, mais aujourd'hui, ça va être une demi-seconde de musique pour reconnaître un artiste. Alors, je lui ai dit, attends, déjà une seconde, c'est hyper compliqué. Mais alors, une demi-seconde, franchement, j'espère qu'on va avoir un gagnant. Au moins un, parce qu'il en faut un. En plus, le cadeau en vaut vraiment la chandelle. Prenez le GSM. On va jouer par SMS ensemble pour 75 centimes. Voilà, vous préparez à envoyer un SMS au 6003. 6003 par SMS, parce que il y a en fait deux cadeaux en un. Je vous explique. Vous gagnez d'une part un pass familial pour Mini-Europe. Deux adultes, deux enfants. Nous sommes donc à Bruxelles, à côté de l'Atomium. Et non loin de là, il y a le parc aquatique numéro 1 en Belgique, Océade. Donc vous gagnez Mini-Europe pour deux adultes et deux enfants. Et puis Océade aussi pour deux adultes et deux enfants. Alors rien ne vous empêche d'aller un jour à Mini-Europe et puis un autre jour à Océade, ou de cumuler les deux activités en une seule journée. Ça, c'est vous qui allez choisir, évidemment. Nous, on va se contenter de vous offrir, enfin, nous allons nous contenter de tenter de vous offrir ce magnifique cadeau, parce que ça s'annonce assez compliqué aujourd'hui. Avec Océade, il y a l'ouragan, l'anaconda, il y a le caméléon, et puis il y a un nouvel espace complètement zen, hein, avec un sauna pour les adultes aussi, où on est vraiment, vraiment en vacances là-bas. Le bar s'appelle le bar Martinique, c'est vous dire si c'est plutôt sympa. Voilà, direction Océade et Mini-Europe, les deux en un. C'est donc une demi-seconde. Et en plus, on recherche un artiste, donc pas le titre de la chanson, mais l'artiste, l'interprète d'une chanson à envoyer par SMS au 6003. Écoutez bien, tendez l'oreille, voici la demi-seconde. Une demi-seconde pour trouver un artiste. J'espère que vous êtes très fort. 6003 par SMS, est-ce qu'on peut, Fabien, puisque c'est une demi-seconde, réécouter ça une deuxième fois quand même? Avez-vous trouvé la bonne réponse? Si c'est le cas, eh bien à vous de jouer, et j'espère bien sûr avoir un gagnant avant 13h tout à l'heure. 6003 par SMS, bonne chance. Vivacité présente les Showcase Joker Plus du beau vélo de Ravel. Salut, c'est Mister Cover. Nous sommes ravis de venir faire la fête avec vous ce samedi 6 août à Boussu lors du beau vélo de Ravel. À l'affiche, il y aura aussi Arona et Vianney. Nous vous attendons en pleine forme à samedi. Le Showcase du beau vélo de Ravel, ce samedi 6 août à Boussu-Colfontaine. Un événement gratuit et accessible à tous. Joker Plus, chaque jour est un jour de chance. Et si les décisions en matière de crédit se prenaient en tenant compte des spécificités locales? C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. Pour vos sorties cet été, plutôt en bus ou plutôt mouillé? Oh non, pas maintenant! Ou alors... serré? Allez, pousse-toi un peu, j'arrive pas à fermer la portière! Cet été, pensez plutôt au tech pour vous déplacer. Rejoignez notre page Facebook Tech on Tour et tentez de gagner des places pour vos prochaines activités. Le tech, partenaire de vos évasions estivales. Jusqu'à 13h, Vivacité a un air de vacances. Alors ça, c'est magnifique, hein. On commence très très fort les tubes de l'été aujourd'hui avec... vous l'avez reconnu, le groupe début de soirée avec Nuit de folie. Alors, c'est l'histoire de Sacha Goller, qui était directeur d'antenne d'une radio locale à Marseille. Et l'autre, son comparse, eh bien, il s'appelle William Picard. Il était disc-jockey dans une boîte de nuit d'Aix-en-Provence, donc pas très loin de Marseille finalement. Et cette chanson a initialement été composée en 1984, mais c'était un beat complet. Il n'y a vraiment pas eu de succès en 1984. Et ils en refirent une deuxième version en 1988, en faisant beaucoup plus que de s'inspirer des arrangements d'une chanson qui s'appelle « You're my love, you're my life » de Patty Ryan. Et cette version se placera en tête des ventes en France, dans le top 50, et leur assurera le tube de l'été cette année-là. Voici début de soirée sur Vivacité, avec Nuit de folie. Vous pouvez monter le son. Tant de choses grâce au son tu connaîtras. Ton cœur est un symphonie.

Et sur Vivacité, en quelques instants, nous appellerons Axel Hirsou, celui qui avait représenté la Belgique au concours Eurovision de la chanson en 2014 avec la chanson Mother. Et puis, vous l'avez vu dans The Voice aussi l'année d'avant. Il avait d'ailleurs fait partie de l'équipe de Natacha Saint-Pierre. Et puis, tout de suite après la pub, on va retrouver Caroline Gillet. Ce sera la météo des plages et de vos vacances. Vivacité présente 3D World Magic and Fun au stand. L'événement dont tu es le héros. Du 16 juillet au 28 août, pose avec ta famille et tes amis dans 40 décors vraiment fun. Découvre la vidéo Arctic Explorer et deviens l'acteur d'un court-métrage avec de nombreux animaux si tu n'as pas froid aux yeux. Info 3dworldbelgium.be. Skoda, le service en plus. Le garage Skoda CHU vous invite à découvrir les dernières nouveautés Skoda. Pendant tout l'été, faites-vous plaisir. Rêvez Skoda, pensez Skoda CHU et profitez d'un très grand choix de véhicules d'occasion. Garage Skoda CHU à Chesnay, au pied de la Côte d'Hambourg. Skoda CHU, le service en plus. Vous revenez des vacances? Vous partez en vacances? Envie d'acheter une caravane ou un motorhome? AJD Caravane et Motorhome à Neupré a pensé à vous. Découvrez les tout derniers modèles 2015 à prix fou. Et oui, c'est vous qui pouvez profiter de ces prix écrasés. Venez choisir votre plus beau modèle chez AJD Caravane et Motorhome. Attention, le stock est limité. AJD Caravane et Motorhome, route du Condreau à Neupré. Plus d'infos sur ajd.be. Ce week-end, vous allez en Ardennes? Oh, regarde là-bas! Oh, il est beau le chevreuil! Oh oui! Ou bien dans un bon restaurant? Il est bon le chevreuil, hein? Oui. Avec le billet week-end de la SNCB, vous voyagez aller-retour à moins 50%. Et jusque fin août, votre billet week-end est valable encore plus longtemps, du vendredi matin au lundi soir. Infos et conditions sur letrain.be. Le train. 11h, 13h, un air de vacances sur Vivacité. La météo des plages et de vos vacances que vous pouvez demander à Caroline Gillet par SMS au 3063 pour 1 demi-euro l'envoi de message. Mais c'est gratuit si vous passez via internet vivacité.be, le formulaire de contact sur la page Un air de vacances. Alors vous l'avez constaté ce matin au réveil, il pleut comme vache qui pisse. Oui, cette expression est dans le dictionnaire. Personne n'est épargné, pas même le littoral. Caroline Gillet, bonjour. Bonjour Stéphane, bien oui, cette expression elle est non seulement dans le dictionnaire mais également dans le film Les Visiteurs. Oui. Si, vous pouvez aller vérifier. Okay, oui. Alors oui, la météo elle est maussade aujourd'hui et même au littoral. Le vent de sud-ouest sera plus fort que ces derniers jours, les températures en baisse, 19 degrés, très localement 20 degrés du côté de Nieuport aujourd'hui. Alors pas question de se baigner, puis en même temps, qui voudrait avec une météo pareille. Le drapeau rouge pour la baignade est bien levé sur toutes les plages du pays. Viviane se rend au lac d'Annecy en France, direction les Alpes. Et pour l'occasion, je vais vous appeler la dame de Haute-Savoie, Caroline. Et donc, vous viendrez dormir chez moi, Stéphane? Non. Viviane préfère donc la montagne à la plage et elle n'a pas tort parce qu'il fait beau en Haute-Savoie pour le moment. On attend 26 degrés cet après-midi, 29 degrés demain après-midi. Jeudi, il fera même très chaud avec 32 degrés. Mais dans l'après-midi, le ciel va se couvrir. Dans la nuit, il y aura des orages. Cela va faire retomber les températures. Bien sûr, vendredi, on n'aura plus que 21 degrés et la journée se déroulera plutôt sous la pluie. Le soleil reviendra dès le lendemain et les températures repartiront à la hausse. Ah bah, heureusement, merci beaucoup Caroline Gillet. On se retrouve tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission pour une prochaine météo des plages et de vos vacances. Voici Kid Noy sur Vivacité, c'est Ocean. I swim a part of ocean, I fly a part of empty sky. Japan is my new direction, Moscow was amazing last night. I never closed the door behind. Something more. One day I'll stop it all, it's true. And I will do it just for you. Behind me. I swim a part of never closed a door. Behind me something more. One day I'll stop it all, it's true. And I will do it just for you. And I will do it just for you. Behind me. C'était Vanessa Paradis. Restez avec nous car il y aura les Jackson 5 dans les prochaines minutes sur Vivacité avec Blame It on the Boogie. Mais avant cela, bien sûr, on s'informe sur vos conditions de circulation assez compliquées en ce jour de pluie, Jean-Marc Strel. Oui, effectivement, Stéphane, beaucoup de pluie sur les routes et donc des conséquences malheureusement. Donc la première info, c'est soyez prudents ce matin. Un accident grave s'est produit, je vous rappelle, sur le 42 vers 8h30, Namur Liège, au kilomètre 26.2. Il s'agit du viaduc d'Héron. Cette chaussée est fermée. Elle fut ouverte pour évacuer les véhicules dans les files et puis à nouveau fermée. Il y a donc des files depuis Coutouin sur 8 km. Vous perdez une heure en direction de Liège, vous êtes dévié via la sortie 8 Héron pour prendre quelques nationales et reprendre le 42 vers Liège un peu plus loin. Donc patience et évitez le secteur si possible, bien évidemment. La circulation extérieure du ring est toujours assez dense entre Léonard et Terveren vers Zaventem. La circulation intérieure aussi entre Bercé et les forêts vers Grand Bégard. Il y a des travaux, c'est vrai, là-bas. De Wezembeek au Pem à Terveren aussi vers Waterloo. Sur le ring, attention, l'extérieur, un objet encombrant peu avant Waterloo. Québeren. C'est un objet métallique. Ne vous laissez pas surprendre. C'est la bande de droite qui est concernée en direction de Nivelles. Chaussée inondée, ce n'est pas surprenant, sur le ring 9 de Charleroi, dans le tunnel Hiernaux. Chaussée fermée également vers l'A54 avec des déviations qui vous sont proposées. Et puis un accident s'est produit sur l'A12 Anvers-Bruxelles à hauteur du tunnel Beuvreidenk. La bande de droite est fermée. Il y a des files en direction de Bruxelles. Donc prudence sur les routes aujourd'hui. Merci Jean-Marc. Et puis au vu de la situation, n'hésitez pas à intervenir quand vous le souhaitez. Et merci pour toutes ces infos. Et puis patience si vous êtes concerné par tous ces embouteillages. Dis, votre partenaire pour l'été. Solaire, mini format, premier soin. Tout est chez Dis. Dis, faites-vous plaisir. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Est-il dans sa voiture? Axel Lirsou, bonjour. Bonjour. Ça va, vous êtes sur la route ou chez vous à la maison? Je suis au bureau en fait. Vous êtes à votre bureau? D'accord. Voilà. Bon, j'aurais essayé, hein. Voiture, maison. Donc ça veut dire que vous êtes en train de bosser là en ce moment? Exactement. Aïe, aïe, aïe, aïe, il n'y a pas de vacances pour vous? Elles ont lieu fin septembre. Ah oui, vous partez hors saison. Hein, ouais. Voilà, moi je pars hors saison, ça coûte moins cher. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Et en plus, il y a tout le monde qui vous jalouse parce que tout le monde commence à reprendre un teint un peu pâle et vous vous dites, hé hé, maintenant je m'en vais. Moi je m'en vais, les gars. Voilà, effectivement. Bon, on se rappelle de vous, bien sûr, dans The Voice. Hein, vous étiez un des chouchous de Natacha Saint-Pierre que vous aviez choisi. Hein, si je me rappelle bien, je pense que. Ouais, il y avait Quentin Mossiman qui s'était retourné et puis Natacha aussi. Et puis vous avez choisi, oui, Natacha. Oui. Un choix que vous avez regretté par la suite ou pas? Pas du tout, non, parce que moi, tout ce que je peux faire, j'ai jamais rien regretté. C'était un jeu et c'était logique par rapport au côté vocal. Et puis voilà, donc moi, je voulais bosser avec elle et c'est pour ça que je l'avais choisie, elle, sur le moment. Et puis, voilà. Il y a eu Eurosong à la VRT. Ouais. Vous avez représenté la Belgique à l'Eurovision avec la chanson Mother. Une chanson qui a d'ailleurs fait le buzz aussi sur les réseaux sociaux. Ça, c'était l'année d'après The Voice, hein, en 2014. C'était en 2014, oui. Ouais. Et là, maintenant, où en êtes-vous? Est-ce qu'on doit s'attendre à un nouveau titre, à de nouveaux projets? Alors là, je me suis fait discret depuis quelques mois, oui. Et c'était un peu voulu pour mieux revenir à la rentrée. Ah. Donc il y aura un nouveau single fin septembre et l'album, si tout va bien, sortira fin novembre. Donc si je comprends, voilà, bien, vous partez en vacances au moment de la sortie de votre album. Je pars en vacances au moment de la sortie du single, mais, oui, mais bon, la promo sera faite quand même et je m'octroie 4 jours de vacances et puis voilà, quoi. D'accord, on pourra en savoir plus sur le projet, les sonorités Bah, le projet, ça va être la suite logique de ce qu'on m'a connu avec Mother ou okay. L'Humain, qui a été beaucoup diffusé sur Vivacité. Ouais. Et voilà, donc ça va être de la variété française à la Axel. Et puis voilà, quoi. J'espère que ça plaira. Et en tout cas, moi, ça me plaît. Et moi, je suis super content de ce qu'on me propose et de ce que je fais et de l'équipe avec qui je bosse. Et, donc on verra. Bon, voilà. Impeccable. Quelle est la chanson qui représente le mieux l'été pour vous, Axel Hirsou? Bon, moi je dirais tout bêtement la Macarena. Bah, voilà. c'est un bon choix. Hier on a diffusé la Lambada, j'imagine que la Macarena suivra, bien sûr. Voilà. Et vous partez dans quelle destination au mois de septembre? Je pars sur Paris 4 jours en amoureux, voilà. Oh, c'est chouette ça, chouette. Bah, c'est voilà. Vrai que c'est une ville romantique. Petit séjour, ville romantique. Super. Voilà. Quel était votre meilleur souvenir de vacances? Mon meilleur souvenir de vacances, c'était les visites de parcs d'attractions avec mes parents en famille et voilà. Sinon, tous les lieux touristiques, je vais dire un peu partout en Europe que j'ai pu faire. Et moi, j'aime bien la découverte, donc j'aime bien tout ce qui n'est pas prévu et qui j'aime bien l'imprévu. Donc j'aime bien aller dans des endroits et découvrir sur le moment même plutôt que de faire des choses un peu prévues. Vous êtes plutôt camping ou hôtel? Je serais plutôt hôtel, malheureusement. Bon. J'ai horreur du camping. Ou heureusement. Ou heureusement. Bon, c'est vrai qu'aller faire caca dans la feuillée, c'est pas toujours agréable. Hein. C'est pas mon truc, voilà. Non. Bon, en même temps, ceci dit, il y a des toilettes dans les campings. Hein. Je veux dire, je veux pas dire. Il y a des campings de luxe, mais bon, ça reste non, du camping. Le côté plein air, c'est pas mon truc. Ouais. Bon, piscine, mer ou montagne? Les trois. Allez, soyons fous, les trois. La piscine Carin. Avec la mer à la montagne. Quelle est la météo idéale de vos vacances? Pas celle d'aujourd'hui en tout cas. Ah bah tiens. Clairement. Non, l'idéal c'est 30-35 degrés. Évidemment. Ah oui, vous supportez bien la chaleur, oui. Donc. Oh bah oui, je suis appareillé pour. Ok. Avez-vous une boisson, un apéro ou un cocktail favori? Un petit mojito, c'est toujours bien agréable, ça fait du bien par où ça passe. Mm-hmm. Quel est votre plat préféré de l'été? Bonne question. Je sais pas, un petit barbecue, mais c'est l'été, quoi. Un petit barbecue, ouais. En famille, entre amis, voilà. Plutôt fraise, vanille ou chocolat? Je parle des glaces. Plutôt vanille. Dans quel endroit vous sentez-vous en vacances chez nous en Belgique? Chez moi. Et c'est où chez vous? On peut connaître la région? Chez moi, à la maison. Mais sinon, d'une manière plus générale, à la côte belge, je m'y sens bien. Et votre station balnéaire préférée? C'est plutôt la Panne, Knock? Ostende, j'aime bien, moi. Ouais. Ouais. Y a pas trop de monde en été, non? Si, mais bon, on fait avec. Ouais. Bon, en même temps, ouais. Bon, bah, y en a qui aiment bien. Hein. Y en a qui aiment ça, ouais, voilà. Vrai, moi, je fais avec. C'est toujours sympa. C'est toujours agréable en Belgique. Ouais. Bon bah super Axel, on vous souhaite plein de bonheur et puis surtout merci de revenir beaucoup. Avec un single qui va faire le buzz comme Mother à l'époque, vous avez surpris tout le monde. Je l'espère. Eh ben super, Axel Hirsou, merci d'avoir été notre invité dans les People en vacances et à très bientôt. Plaisir. À bientôt. I'm only one call away, I'll be there to save the day. Superman got nothing. Then I'm me, I'm only one call away. Call me baby if you need a friend. I just wanna give you love. Come on, come on, come on. Reaching out to you, so take a chance. No matter where you go, Call Away, c'était Charlie Puth. L'été du bon côté. Il est 11h40, c'est l'heure de l'apéro et on le prend chaque jour à cette heure-ci avec Émilie de Kegel. Bonjour Émilie. Bonjour Stéphane, bonjour tout le monde. Ça va bien? Alors ça va super bien. Ça va super bien, c'est mardi aujourd'hui, ce sont les vacances. Ouais. Alors si les températures se sont un petit peu rafraîchies dehors, je pense qu'elles risquent de monter entre 13 et 15 heures. Oula, c'est-à-dire? Parce que, vous savez, pendant l'année, de manière générale, on est tous un petit peu dans le train de la vie. On avance, on va vite, on n'a pas trop le temps d'appuyer sur le bouton stop pour faire des arrêts de temps en temps. Donc pendant les vacances, on essaye de prendre le temps pour faire plein de choses. Mmh. Alors depuis le début de cet été, on a vu comment prendre le temps avec ses enfants, on a vu comment prendre le temps pour faire du sport. On a vu plein de trucs, le temps de manger, de bien manger. Et bien là, on va prendre du temps pour soi, pour nous et pour redevenir, si vous voulez, en quelque sorte, la maîtresse de sa moitié. Vous invitez Brigitte Lahaie? On va... Non, pas Katsumi. Du tout. Elle aurait pu. Non, parce qu'on va pas parler... on va pas être vulgaire. On va pas être... Bon, elle n'est pas vulgaire, Brigitte. Non, mais on va être plus léger, on va être plus subtil que ça. On D'accord. va redevenir vraiment la maîtresse de son mari ou de sa moitié. On va faire en sorte de prendre du temps pour soi, pour passer des bons moments, peut-être un petit peu coquin. Mm-hmm. On va vraiment s'arrêter là-dessus. C'est avec Christelle Gilquin, un journaliste au magazine Femmes d'aujourd'hui, dont on va parler tout ça. Donc en fait, on dit que la maîtresse est mystérieuse, elle est sexy, elle est libérée. Eh ben, il se pourrait peut-être bien qu'à 15h, cette fameuse fille, cette fameuse maîtresse, cette fameuse femme de l'été 2016, ce sera vous. Alors si vous avez réveillez la maîtresse qui sommeille en vous, mesdames. Mais exactement, réveillez le désir chez l'autre, c'est important. Alors ça peut aussi être ce que vous faites vous, messieurs, pour réveiller le désir chez votre femme. On va aller dans les deux sens, bien entendu. Donc si vous avez déjà, vous, des petits trucs, des petites astuces, des petites choses que vous faites au quotidien ou une fois de temps en temps pour réveiller tout ça, pour titiller l'autre, n'hésitez pas à venir nous en parler dès à présent sur la page Facebook de l'émission ou encore par SMS au 3063 pour 50 centimes le message. On vous attend. Je pense que ça va être très détendu. Ou tendu. Ça dépend. Oui, ça c'est si on parle du string. Ce sera donc tout à l'heure entre 13h et 15h. Ouais, vous allez voir, on va se faire du bien cet après-midi. J'étais du bon côté. Eh ben, on a hâte d'y être. Et vous revenez avant 13h. Hein, oui, n'oubliez pas, on veut le tube de Hawaii et le tube de Hawaii. Vous avez trouvé ? Bah oui, vous pensez bien. C'est pas vrai. Bah si, bah oui, les deux. En même temps, il y en a un qui était plus facile que l'autre. Ah, et ben, on écoutera ça tout à l'heure. C'était les Jackson 5. Dans quelques instants, il y aura Wicked Game de Chris Isaac. Que des tubes en puissance, on vous l'a promis. C'est jusqu'à 13h, un air de vacances. Avec Aurore Salsano qui arrive dans quelques instants aussi. Après D'Artagnan qui s'appelle Olivier Dion. De mes propres ailes. Cet été, Vivacité tient une forme olympique.

Olivier Dion sur Vivacité, un conducteur fantôme a signalé Jean-Marc Strel. Oui, le 40 Liège-Bruxelles, vous risquez de le rencontrer à hauteur de Stérebeek il y a quelques instants. Donc vous connaissez les consignes, vous ne dépassez pas, vous tenez votre droite. Prudence donc, c'est le 40 Liège-Bruxelles à hauteur de Stérebeek il y a quelques instants. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Jusqu'à 13h, un air de vacances sur Vivacité. Et quand on part en vacances, on n'a pas toujours l'envie ou l'occasion d'emmener ses animaux de compagnie avec soi, hein, c'est parfois difficile. Mais quelles sont les vraies bonnes solutions? Eh bien les voici avec Aurore Salsano. Le plus simple, si vous voulez que vos animaux soient bien soignés et que cela ne vous coûte rien, ou tout au plus un souvenir de vacances, c'est de les faire garder par un voisin ou la famille. L'idéal étant de laisser votre animal à la maison et de faire se déplacer le dit voisin, ce qui en plus donnera au cambrioleur potentiel l'impression que la maison est occupée. Si vous ne trouvez pas d'âme charitable disponible durant vos congés, vous pouvez aussi opter pour une solution professionnelle, comme les pensions pour animaux. Là, votre chien ou votre chat aura de l'espace pour se défouler et rencontrer d'autres animaux, mais il devra être en ordre de vaccination et au final, cela peut vous coûter de 150 à 300 euros par semaine, un budget qui n'est pas négligeable. Pour les tarifs plus élevés, vos animaux auront même droit à des activités ou à des petites promenades. Vous n'êtes pas convaincu? Alors pourquoi ne pas faire appel à un pet sitter? Le concept est tellement répandu qu'il existe maintenant des plateformes. Elles regroupent les personnes prêtes à garder votre animal en échange d'une petite rétribution. Faut pas rêver non plus. On vous citera deux exemples. Gardermonchien.be qui permet de trouver des personnes qui gardent votre chien, mais aussi d'autres animaux comme les chats, les oiseaux, les rongeurs et plus si affinité. Il suffit de compléter les cases adéquates. Vous pourrez aussi écrire votre ville, votre période de vacances et vous verrez alors s'afficher le profil des pet sitters avec leurs tarifs. Vous saurez s'ils sont prêts à venir aussi garder votre maison par exemple. L'autre plateforme est hollydog.com. D'allure beaucoup plus professionnelle, elle est aussi payante pour certaines fonctionnalités, mais beaucoup plus simple et pratique d'utilisation. Pour les tarifs de pet sitting, comptez entre 7 et 20 euros par jour en fonction du service offert. Cela va aussi du simple dépôt de croquettes dans la gamelle à la promenade quotidienne. Merci beaucoup Aurore, et c'est vrai, il ne faut pas oublier les matous et les toutous, et d'ailleurs on retrouve votre séquence conso sur vivacité.be si vous voulez avoir les bonnes adresses et tous les détails. Rendez-vous sur notre site internet. Vous voulez investir auprès d'une personne de confiance? Rendez-vous chez l'agent bancaire AXA près de chez vous ou sur axabank.be/investir. AXA, réinventons la banque. So wicked thing to do, to let me dream of you. What a wicked thing to say, you never felt this way. What a wicked thing to do, to make me dream. Chanson du monde était sur Vivacité ce matin, c'était Wicked Game, Chris Isaac. L'après-midi arrive avec un super cadeau, toujours Océade, on vous envoie en famille là-bas, ainsi qu'à Mini Europe. Puis les people en vacances avec Jean-Pierre Castaldi, il y aura la météo des plages et de vos vacances également. La 3 présente le rendez-vous de l'été au Festival de Théâtre de Spa. C'est 11 jours de spectacle, 25 compagnies, 70 représentations, 7 lieux de jeu. Venez vivre le théâtre à Spa du 5 au 15 août. 0800 24 140 festivaldespa.be. Avec la Libre Belgique, l'avenir et Vivacité. Vivacité présente Aubel Timistère La Glaise, la classique cycliste internationale la plus spectaculaire réservée aux coureurs de la catégorie junior. Première étape à Aubel, vendredi 5 août, 16h30. Samedi, contre la montre par équipe en matinée et étape en ligne à Timistère. Dimanche, ultime étape ardennaise à La Glaise, avec l'ADEPS, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Loterie Nationale. Il est midi. L'actualité, c'est avec vous, David Riffon. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Ce chiffre, seul un élève sur deux en fin de deuxième secondaire a réussi son épreuve de mathématiques lors du dernier CE1D, l'examen obligatoire en fin de deuxième secondaire en Fédération Wallonie-Bruxelles. Un résultat inquiétant, le pire en 5 ans, d'autant que les questions étaient simples selon les experts. Et ce n'est guère mieux pour les langues étrangères, un peu mieux en sciences et en français. Derrière cela, sans doute un problème d'approche de l'école. Les élèves visent la moyenne sans plus, mais aussi des problèmes d'assimilation des matières qui datent parfois du primaire ou de la première secondaire. Et comme on ne double plus en première, eh bien les problèmes se répercutent. C'est l'avis de Marie Jaspers, docteur en maths à l'Université de Liège. Passage automatique qui fait dire à certains enfants, puisque je passe quand même, alors moi je ne travaille pas. Ils ne font rien. Alors, comme ils n'ont rien fait en première, comme le cours de mathématiques de deuxième suit le cours de première, il est évident que si on n'a pas assimilé le cours de première, on ne peut pas suivre le cours de deuxième. Comme me disait un de mes amis, si je ne connais pas le cours de première, si je vais à un cours de deuxième, c'est comme si j'allais à un cours d'hébreu, puisque parce que je ne connais rien. Je ne connais pas le vocabulaire, je ne connais pas les notations, je ne connais pas les propriétés. Donc, je ne peux pas comprendre le cours de deuxième. Et l'examen du CEAD se passe à la fin de la deuxième. Donc, il y a un déficit de connaissances et de formation qui est dû à ce passage automatique. Une interview signée Sophie Léonard. Un accident mortel ce matin à hauteur du Cornu en province de Liège. L'autoroute E42 est fermée dans le sens Namur-Liège. 5 blessés graves ont par ailleurs été transportés par hélicoptère vers les hôpitaux de la région. Les automobilistes situés sur la E42 entre Huy et Ron et l'accident à hauteur du Cornu ont été évacués. Les files restent importantes et commencent à hauteur de Coutuin. La pluie provoque d'ailleurs pas mal d'embarras de circulation un peu partout. Une collision a eu lieu entre deux véhicules à l'Aube, au sud de Charleroi, dans le nord du pays également. La circulation est perturbée par endroits. On refait le point plus en détail en fin de journal. 2000 personnes attendues à 14h cet après-midi en la cathédrale de Rouen. Les funérailles du père Hamel, assassiné mardi dernier par deux terroristes. Ces funérailles ont lieu cet après-midi. La cathédrale de Rouen sera placée sous haute sécurité. Ensuite, Jacques Hamel sera inhumé en toute intimité en un lieu tenu secret. Aux États-Unis, cette décision au Texas qui risque une fois de plus de faire polémique. Le port d'armes est désormais autorisé sur les campus universitaires et en salle de cours. Le Texas n'est pas le seul État à autoriser le port d'armes sur les campus, sauf qu'ici, la décision intervient tout juste 50 ans après un massacre à Lexiafesh. C'est une énième étape en faveur du port d'armes aux États-Unis. Les campus universitaires publics du Texas autorisent désormais leurs étudiants à venir armés en salle de cours. Un feu vert qui intervient le jour même de la commémoration des 50 ans d'un massacre dans une université texane. Gregory Fenves, président de l'université du Texas, s'attend à ce que la mesure passe quasi inaperçue. « Notre campus est très sûr et je pense que cela va continuer », assure-t-il. « Je n'ai pas peur des armes à feu, j'ai peur de cette association. Stress des partiels, maladie mentale, non diagnostiqué et possibilité d'être armé dans l'enceinte de l'université, a pour sa part indiqué une enseignante dans une tribune au Dallas Morning News. Les défenseurs de la loi affirment que cette mesure assure une meilleure sécurité des étudiants et des professeurs, arguant qu'un tireur pourrait être arrêté plus rapidement par des membres du public armé. 8 États américains autorisent le port d'armes sur des campus d'université, comme l'Oregon, le Colorado ou encore le Wisconsin. À 3 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, les regards vont se tourner une fois de plus vers le CIO dans quelques heures. Le Comité international olympique doit décider du nombre de sportifs russes qui pourront prendre part aux Jeux. Les fédérations internationales de chaque sport ont procédé à une première sélection et éliminé ceux et celles qui avaient déjà été suspendus pour dopage ou qui étaient cités dans des affaires récentes. Mais le CIO doit encore réexaminer cette liste et confirmer les participations. RTBF Mobile Info, Jean-Marc Strel, toujours les suites de cet accident en hauteur du Cornu. La chaussée est toujours fermée. Oui, effectivement. Accident grave 42 Namur-Liège, viaduc d'Héron, chaussée fermée, file depuis Coutouin sur 4 km, c'est en direction de Liège. Il y a une déviation via la sortie 8, évidemment, on vous en parle depuis ce matin. Oui, Héron, et puis reprendre quelques nationales pour accéder à l'E42 vers Liège. Donc patience, évidemment, et puis prudence aussi, car il y a beaucoup de pluie sur la route aujourd'hui et la situation est assez difficile. Il y a eu pas mal d'accidents. Un accident d'ailleurs dans l'échangeur de Woluwe et Saint-Etienne où le passage est difficile. C'est dans la bretelle qui relie le 40 venant de Liège au ring de Bruxelles en direction de Waterloo. Une chaussée inondée également à vous signaler sur le ring 9 de Charleroi. C'est dans le tunnel Hiernau, chaussée fermée vers l'A54 avec une déviation locale mise en place. Et puis sur le ring de Bruxelles quand même, petite info pour l'intérieur entre Bercé-les-Forêts vers Grand-Bigard, la zone des travaux. Il y a pas mal de ralentissements et de Wezembe-Coppem aussi à Terveronne en direction de Waterloo. Dis, votre partenaire pour l'été. Solaire, mini format, premier soin. Tout est chez Dis. Dis, faites-vous plaisir. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Excellent temps de midi à l'écoute de Vivacité et d'un air de vacances avec Stéphane Piebeuf. Merci David Riffon. L'info revient sur Viva tout à l'heure à 13h. Un air de vacances sur Vivacité. De 11h à 13h avec Stéphane Piebeuf. Non mais mires mas, je t'en supplie, laisse-moi t'oublier, je ne peux pas lui faire ça. Ne joue pas avec le danger. Non mais mires mas, je t'en supplie, laisse-moi t'oublier, je ne peux pas lui faire ça. Si tu juegas con el peligro. Ça fait plus d'une semaine qu'il te décrit comme un poème. Il nous parle que de toi. Il vit sur un nuage depuis que tu vis dans ses bras. Hey, il a retrouvé le sourire depuis que tu es son avenir. Tu Mais tout a changé quand j'ai compris qu'il parlait de toi. Oh. Déjà plus d'une semaine et je n'ai plus trop de tes nouvelles. N'es-tu pas content pour moi? Toi qui es mon ami, je sens que tu t'es loin de moi. Hey, à chaque fois que je suis avec elle, vos regards ne sont plus les mêmes. Je deviens parano. Toi mon ami, m'as-tu planté un couteau dans le dos? Avec Soprano, c'était Kenji qui sera en concert Vivacité les 29 et 30 avril et les 10 et 11 novembre prochains sur la scène de Forêt Nationale. Un air de vacances sur Vivacité. Bienvenue à vous si vous venez d'arriver. Alors aujourd'hui, on vous offre un super cadeau par SMS pour 75 centimes au 6003. Oui, c'est Océade, un pass familial pour deux adultes et deux enfants pour profiter de ce parc aquatique, le numéro 1 en Belgique, s'il vous plaît. Mais en plus de ce pass familial pour Océade, on vous offre également, à vous qui allez gagner, eh bien... une invitation familiale pour profiter également de Mini Europe pour deux adultes, deux enfants. Donc ça c'est top parce que soit vous y allez le jour même, vous profitez des deux parcs puisque c'est à deux pas de l'Atomium à Bruxelles, ou alors vous allez un jour à Mini Europe quand il fait beau par exemple, et quand il pleut, bah pourquoi ne pas aller à Océane, parce qu'on peut aussi profiter d'Océane lorsqu'il pleut, même si c'est vrai qu'il y a des toboggans, des piscines extérieures. Ça va être très très sympa, franchement, d'y aller en famille. C'est une chouette activité pour ces vacances. Donc, mais pour gagner, alors le défi est assez difficile encore une fois, puisqu'on vous demande non pas de reconnaître un artiste avec une seconde, mais on vous demande d'identifier un artiste à l'aide de une demi-seconde d'un de ses morceaux. Donc c'est vraiment pas évident. On va d'ailleurs réécouter une fois cette demi-seconde. Écoutez, avez-vous trouvé, hein? Déjà il faut retomber sur la chanson, mais en plus il faut retrouver l'interprète de cette chanson et envoyer son nom par SMS au 6003. 6003. Alors, vous avez envoyé Culture Club. Malheureusement, ce n'est pas Culture Club. Les Rolling Stones, nous dit Béatrice. Ce ne sont pas les Rolling Stones. Ce n'est pas Julien Doré non plus. Ce n'est pas le groupe Survivor. Ce n'est pas Laurent Voulzy. Vous nous avez proposé Michael Jackson. C'est Simon qui nous a envoyé ça. Ce n'est pas PhD non plus. Ce n'est pas Francis Cabrel avec Chêne Liège, envoyé par Monsieur Servati. Ce n'est pas Grégory Le Marchal. Les SOS d'intérieur de Tresse. À vous de trouver la bonne réponse. On réécoute une toute dernière fois avant de vous appeler. Écoutez bien. De quel artiste s'agit-il ? 6003, bonne chance. Koa Koa, Koa se la grenouille. L'été bientôt là, elle remontre sa bouille. Pédale Lucien au milieu des boas. Comme tu te sens bien, Koa Koa, visqueuse grenouille. Lucien glisse et son vélo crie ouille. Tu t'es fait battre, Lucien, par un batracien. Voilà pourquoi les AP Assurances vous proposent l'assistance vélo. Une assistance 24 heures sur 24 pour toute la famille à 60 euros par an. Plus d'infos sur lap.be. Les AP Assurances, toujours à vos côtés. Ceci est un produit d'assurance d'AGA International SA Belgian Branch. En télé sur la une, police ne bougez plus. Rizzoli cherche les malfrats, les tueurs en série, les parrains de la pègre, les psychopathes, bref, tous les gros poissons. Et si parfois elle se sent démunie, elle n'est pas toute seule. Avec Hiles, elles font une sacrée paire. Rizzoli et Hiles, saison 6, c'est tous les jeudis soirs sur la une. Un air de vacances sur Vivacité. Ne vous grattez pas trop la tête hein, si vous ne trouvez pas l'artiste mystère d'aujourd'hui. Il y aura d'autres cadeaux les prochains jours. Mais si vous avez la bonne réponse, n'hésitez pas à jouer avec nous. Et là, ça vous met de l'entrain, ça vous donne envie de danser. C'est normal, c'est notre deuxième tube de l'été. Le clip est également disponible sur vivacité.be. Il s'agit de Opus et la chanson Live is Life, formée en 1973 et auteur de plus de 10 albums. C'est un groupe autrichien. Il a véritablement explosé l'année 1984 grâce à ce titre improbable enregistré en live dans la petite ville autrichienne d'Oberwart. À mon avis, on dit Oberwart. La chanson sera reprise par de nombreux artistes dans les années qui suivent, mais c'est la version d'Opus qui cartonnera chez nous en Belgique, numéro 2 en France, numéro 5 chez nous. Je vous propose d'écouter la chanson en entier. Voici Opus, Life is Life. Et c'est vrai que cette chanson-là, on l'entend beaucoup dans les... dans les discothèques, hein, dans les bals, dans les kermesses de village, ça met toujours la bonne ambiance près du disco bar et près de la guinguette. Allez, profitez-en, c'est notre deuxième tube de l'été, il n'y a pas de soleil dehors, mais il y en a certainement énormément sur Vivacité. inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. Sur Vivacité, qui est toujours très bien classé dans le tip top Vivacité que vous retrouverez tout à l'heure pour la quotidienne à partir de 19h jusqu'à 20h. Un air de vacances sur Vivacité. La météo des plages et de vos vacances avec Caroline Gillet. Les vacances que vous nous demandez par mail, par exemple, via la page Un air de vacances sur le site vivacité.be. Nous revenons avec une destination très ensoleillée, car c'est en Jamaïque, à Montego Bay, que Christophe et Laetitia partent demain, Caroline. La mer des Caraïbes, les eaux turquoises, le sable blanc, Stéphane, oui. Vous vendez du rêve. C'est vrai que demain, la journée s'annonce pas tip-top à Montego Bay avec des éclaircies, mais aussi une tendance plutôt orageuse. Mais déjà jeudi, on va retrouver du soleil et ce sera pour plusieurs jours d'ailleurs. Une tendance à plus long terme pour Christophe et Laetitia. Vous n'échapperez pas malheureusement à quelques jours un peu plus maussades, mais ils seront vite effacés par des jours de beau temps. Côté Mercure, 32 à 34 degrés, même les jours les plus gris. Oh bah ça va. Pour terminer, ce SMS non signé nous demande le temps à Venise. Est-ce un vrai bon plan d'y aller en été? Certains disent que ça pue quand il fait trop chaud, vous confirmez?

m'essayer. C'était Florent Pagny. Dans quelques instants, nous appellerons Jean-Pierre Castaldi en direct pour les People en vacances sur Vivacité. Un air de vacances sur Vivacité. Et tout de suite, j'appelle chez vous, à la maison, vous qui avez envoyé un SMS avec la bonne réponse pour partir à Océade et à Mini Europe, le super cadeau d'aujourd'hui. Il faut que ça décroche, bien sûr. Alors. J'espère que ce ne sera pas un répondeur. Allô, bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Ça va bien ? Ça va bien, très bien, merci. C'est vous qui vous occupez que... vous rigolez pourquoi ? Ben non, c'est je m'entends à la radio. Ah, on est démasqués. Eh ben c'est génial, voilà. Vous étiez toujours à l'écoute. Super, ouais, ouais, ça. Sûr. Quel est votre prénom ? Christelle. Christelle, où habitez-vous ? À Flémal. À Flémal, dans la région liégeoise. Donc, on écoute Vivacité sur 90.5. C'est ça, oui. Alors, quoi de neuf ? Vous êtes en vacances, au travail ? Je suis en vacances, je suis enseignante, donc deux mois de vacances. C'est deux mois de vacances, c'est ouais, génial ouais. Ça. Vous en profitez alors ? Oui, oui, oui, quand même. Vous allez partir ? On est déjà parti. On est parti à la Côte d'Opale et on va peut-être repartir après le 15 août. On va voir. Bah, pourquoi pas, il faut se faire plaisir. Bon, voilà. Il faisait beau à la Côte d'Opale au mois de juillet ? Il a fait très bon, oui. C'est vrai que c'est très sympa. Oui, très beau. Et là, ils servent des petites moules, hein. C'est des moules qui sont un peu plus petites que celles de Zélande, je pense. Hein. Les petites moules Bouchot, c'est ça. Hein, ouais. Hein. Oui, oui. Ouais. Et qui sont délicieuses d'ailleurs. Hein. Exactement, oui. Bon, écoutez, si vous êtes là, c'est parce que vous avez une idée de la réponse, histoire de partir en vacances, mais chez nous en Belgique, à Mini Europe ou à Océade. On va réécouter la demi-seconde de la chanson que vous nous avez envoyée. Écoutez. Vous pensez à qui ? Balavoine, Daniel Balavoine. Pardon ? Daniel Balavoine. Ah oui ? Je sais pas, on va voir. Ah, ça semble être bon, hein ? Ouais. Ça sent bon. Vous connaissez le titre ou pas ? C'était pas obligatoire. Hein. Je ne sais plus. Mon fils, ma bataille. Mais oui. Eh ben franchement, Christelle, je dis bravo, hein, parce que c'est pas évident. Rendez-vous compte, une demi-seconde pour identifier un artiste. Je pense qu'on n'a jamais fait si peu. Hein. Ouais, ouais. Je pense qu'on a battu le record, là. Ça fait titre tout de suite. Donc. Ah bah c'est parce que vous l'aviez déjà en tête. Et puis bravo à tous les autres qui avaient la bonne réponse. En tout cas, je vous dis bravo. Vous avez des enfants ? Oui, j'ai une fille. Oui, une fille qui s'appelle ? Alissa. Elle a quel âge ? 12 ans. 12 ans. Oh, elle va s'amuser à Océade. Ça va être vraiment chouette. Et puis, elle va découvrir l'Europe grâce à Mini Europe. Vous allez pouvoir le faire le tour d'Europe en quelques minutes. C'est top. Eh ben voilà, profitez bien de l'été, profitez bien des vacances. C'est un tout grand merci d'écouter Vivacité. Merci à vous. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Oui, au revoir. My chest is getting tight. I've got nothing to hide. I take it all on board. I've got to crack the code. Everything coincides. Heavy are these skies. I wanna make a vow to make this right somehow. It's killing you inside, fighting against the tide. I'm sinking like a stone. Easy come, easy go. I gave you all I had. A fool could tell you that. trees alive. I didn't even know. I didn't even know. It's killing you inside. Fighting against the tide. I'm sinking like a stone. Easy come, easy go. Easy come, easy go, c'était Alice on the Roof sur Vivacité. Un air de vacances sur Vivacité. Et les people qui sont en vacances, Jean-Pierre Castaldi, bonjour. Bonjour. Et merci d'être en direct avec nous sur Vivacité. Comment ça va, Jean-Pierre ? Très bien, très très bien, très très bien. Je suis en Bretagne, à Belle-Île-en-Mer. Ah, carrément. C'est beau, oui. Ça c'est, oui, c'est une chanson tout entière, hein, une chanson de Ah bah oui, de Woolsey, oui. Marie Galante, ouais. Tout ça, tout ça. Ouais, non, Marie Galante, c'est pas, c'est Marie Galante, c'est dans les Antilles. Oui, oui, je sais, mais il commençait par Belle-Île-en-Mer et puis il parlait de Marie Galante juste après. Ouais, exactement. Mais exactement. Vous venez pas aller à Marie Galante, hein. Je veux dire, il y a pas un bus entre Belle-Île-en-Mer et Marie Galante, hein, sans doute. Non, non, j'ai pas pris de bus. Bon. Vous êtes donc en vacances alors? Je suis en vacances dans une maison de famille. C'est la maison des grands-parents de ma femme qui est au palais en Bretagne, donc à Belle-Île-en-Mer. Et je me repose d'une longue année à Bruxelles, parce que j'ai quand même vécu un an à Bruxelles pour jouer la boîte... À Image, produite par mon grand ami Cédric Monod, le producteur, ouais. Qui a, je dois dire, été un gros, gros succès public. Oui, effectivement. Et d'ailleurs, il y a eu des représentations gratuites. Vous étiez très, très généreux dans cet exercice. Hein. Le concept, oui, pour ceux oui, qui ne sont pas passés vous voir, c'est l'histoire du cinéma racontée de façon interactive et complètement didactique au public, hein, si on devait résumer. Exactement, voilà. Exactement. Enfin, là, c'est fini. Je suis rentré en France et puis je repartirai l'année prochaine. Enfin, je repars dans un mois dans de nouvelles aventures. Ah, et on peut savoir ce que c'est, vos nouvelles aventures, ou oh, c'est secret? Je joue une pièce avec Marion Cam qui s'appelle « Au frais de la princesse », une pièce de Jean Franco, qui est un jeune auteur de 40 ans. Oui. Et on démarre le 8 octobre, on est en tournée, je crois qu'on a quelques dates en Belgique déjà. Ah donc, bah, il faut venir nous en parler alors. Hein. Voilà, exactement. Quel a été votre meilleur souvenir de vacances, Jean-Pierre Castaldi? Oh, les vacances, vous savez, je suis malheureusement, j'en ai plus un, mais enfin, je suis un grand amateur de bateaux et de vacances sur l'eau. Mm-hmm. Et mes plus belles vacances, je les ai passées sur un bateau. Okay. J'ai eu la chance d'avoir mes permis hauturier. Donc un jour j'ai loué un bateau et je suis parti faire le tour de Corse. Wow. De Corse et Sardaigne en bateau, et ça a été extraordinaire. Êtes-vous plutôt camping ou hôtel? Ah, je suis pas du tout camping. Je suis désolé pour Franck Dupost. Je préfère Vérichy, je préfère les grands hôtels. D'accord. Bah alors, on n'attend pas Patrick. Non, c'est vrai. C'est, oui. Le camping, c'est sympathique. Oui, bien vrai, sûr. Voilà. Bon, ben, c'est mieux. Je connais quelques hôtels pas plus chers qu'un camping, oui. Et qui sont très, très agréables. Piscine, mer ou montagne? Mer, la montagne, c'est très beau aussi. Hein, mmh. C'est très beau aussi, la montagne. Bon, en même temps, si vous faites le tour de Corse, vous pouvez faire un petit escale, parce qu'il y a tout là. Voilà, en Corse, exactement. Hein, on peut passer. D'ailleurs, c'est ça qui est extraordinaire. Dans, ouais, le golfe de Porto, on passe de Porto à Ibiza, on passe de la mer au sac à dos de la montagne. Ouais, en très peu de kilomètres. C'est vrai. La météo idéale de vos vacances? C'est chaud, c'est bof, c'est... Ah non, la météo idéale, c'est pas trop chaud avec une brise de mer. Ok, noté. Avez-vous une boisson, un apéro ou un cocktail favori, Jean-Pierre Castaldi? Oh, l'été, alors, pour le folklore, parce que j'aime bien la pétanque, le pastis. Oui. D'ailleurs, vous savez ce que c'est, le triathlon provençal? Non. Sieste, boule, pastis. Voilà. Ah bah oui, ça m'étonne pas. Hein. Et puis, alors ça c'est pour le folklore, mais j'adore les nouveaux rosés très clairs avec ce qu'on appelle les piscines. Voilà, ça c'est une belle boisson. Avec les glaçons alors. Avec les glaçons, oui. Un peu de saucisson, un peu de... Voilà, un petit peu de... Voilà, mais le rosé, ça c'est très bien. Quel est votre plat préféré de l'été ? Ah, le plat préféré de l'été, quand on a un peu d'argent, c'est le homard, c'est le poisson, quoi, c'est le poisson. Ouais. Les solettes, j'ai fait une indigestion de solettes en Belgique, et là, ici, au bord de la mer, ça peut paraître. J'aime bien le poisson, oui. Ok. La glace, plutôt vanille, fraise, chocolat ou un autre goût ? Ah, la glace, elle ne peut être que vanille. Alors, vous qui avez sillonné la Belgique avec la boîte à images, est-ce qu'il y a un endroit en Belgique où vous vous sentez vraiment en vacances chez nous ? Écoutez, je vais même vous étonner, je dis ça très sincèrement, il m'a semblé que j'étais tout le temps en vacances. Ah bon ? Pour quelle raison ? Parce que je trouve que le Belge a une joie de vivre incroyable malgré les ennuis. C'est vrai, enfin, chacun sait que l'année a été très difficile aussi en Belgique comme en France. Et dès qu'il y a un rayon de soleil, dès qu'il y a tout le monde ressort dans la rue, avec sur les terrasses, c'est ça qui m'a le plus frappé en Belgique, cet appétit de la vie. Très bien, donc pas d'endroit en particulier, vous êtes bien partout chez nous. Oh oui, non mais il y a des beaux endroits, non mais j'ai les Ardennes, c'est très beau, le bord de la mer, c'est très beau, donc le sud, c'est très beau, mais ce qui est très beau chez vous, c'est la rue, le bistrot. Le bistrot. Bon, bah, très bien. Eh ben c'est tout, on vous souhaite le meilleur dans votre nouveau défi, donc votre pièce de théâtre qui arrive prochainement, même chez nous en Belgique. Et puis, au frais de la princesse. Oui. Profitez bien de la Bretagne. Tiens, on peut avoir un petit point météo là ? Quel temps fait-il chez là, vous ? Ah là, c'est pas bon, là, c'est pas, je vais pas vous le cacher, là, c'est pas ah, bon. Ah, bienvenue au club ! C'est pas que là, Bruxelles non plus, c'est pas très bon. C'est ah ça. Non, c'est puant, il pleut partout, c'est une catastrophe. Ah non, d'ailleurs, j'étais encore en juin chez vous, c'était le mois de juin, était catastrophique. Oui, oui c'est un peu la Bretagne aussi, ici, de temps en temps. Ça sera pas un été chaud. Ça, c'est clair. On craint pas pour la canicule. Merci beaucoup, Jean-Pierre Castaldi. Merci à vous. Et à bientôt. À bientôt, au revoir. Vous voulez investir auprès d'une personne de confiance ? Rendez-vous chez l'agent bancaire AXA près de chez vous ou sur axabank.be/investir. AXA, réinventons la banque. Rio est à 9400 km de Bruxelles. Mais il n'y en a que 110 jusqu'à Ostende. Team Belgium vous invite sur la plage d'Ostende à soutenir nos athlètes sur écran géant. Jouer au beach volley, profiter des cocktails, des activités pour enfants, dans l'ambiance brésilienne de la Rio House. Entrée gratuite. Plus d'infos sur teambelgium.be. Avec le soutien de Flair et Le Soir. Le garage Skoda Chu vous invite à découvrir les dernières nouveautés Skoda. Pendant tout l'été, faites-vous plaisir. Rêvez Skoda, pensez Skoda Chu et profitez d'un très grand choix de véhicules d'occasion. Garage Skoda Chu à Chenet, au pied de la Côte d'Hambourg. Skoda Chu, le service en plus. Tout l'été, pendant les 13 semaines du Beau Vélo de Ravel, Vivacité vous emmène découvrir un site touristique ou un musée de Wallonie et de Bruxelles en famille. Écoutez Vivre ici pour gagner les 4 entrées mises en jeu. Une belle occasion de s'offrir une sortie familiale estivale en collaboration avec Ciné-Télé-Revue et 365.be. Prêt pour l'aventure ? Le zoo d'Amnéville vous transporte parmi 2000 animaux dans de somptueux décors. Des animations non-stop, de fabuleux spectacles d'otaries et de rapaces en vol libre. Bienvenue dans la nouvelle création du zoo d'Amnéville, Tiger World. Un univers fantastique, époustouflant, où un homme évolue en toute complicité parmi les tigres du Bengale. Le zoo d'Amnéville, un des plus beaux d'Europe, entre Metz et Luxembourg, ouvert tous les jours. Jusqu'à 13h sur Vivacité, un air de vacances avec Stéphane Piedbeuf. Quoi de neuf, ce soir je suis sur la lune. Allô la terre, est-ce que tu me reçois? Quoi de neuf, ce soir je danse sur les dunes. En plein désert, les mirages font la loi. Je me laisse entraîner pour mieux m'envoler. Pouvoir toucher le soleil sans même me brûler. Je veux juste planer avant de faner. Que mes démons se réveillent et se mettent à danser. Oh, oh, oh, oh, oh, musique. paraît plus beau. On s'emballe, je me laisse entraîner pour mieux m'envoler, pouvoir toucher le soleil sans même me brûler. Je veux juste planer avant de faner. Je veux que tout le monde se réveille et se mette à danser. Quoi de neuf, quoi de neuf, j'ai déjà tout misé. Mes démons se réveillent et se mettent à danser. En mode sur Vivacité à 13h moins quart, c'était quoi de neuf? Le beau vélo de Ravel, c'est au Vivacité. Entre parenthèses, l'album de Florent Mode s'appelle Danser sous la pluie. Hein. C'est l'album du jour, j'ai envie de dire. Bon courage, hein, si vous êtes dans les embouteillages créés par cette pluie qui tombe depuis la nuit dernière. Allez, direction le Beauvélo de Ravel. Après Nivelles et Moresnet, le Beauvélo vous emmène dans le Hainaut ce samedi. Mais où c'est exactement, Adrien? Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Cap sur le Borinage. Ce samedi, on va passer par Boussu, Colfontaine et plus particulièrement sur la ligne 98. Et on sent qu'on est juste après Mons 2015. Hein. Alice Gobier, bonjour. Bonjour. Il y a de magnifiques ouvrages d'art, pas mal de choses qui ont été créées tout autour du Ravel pour le rendre encore plus agréable. Ben oui, c'est vraiment grâce à Mons, capitale de la culture en 2015. On a eu plusieurs artistes, des associations, des écoles et même des habitants qui ont pu installer leurs œuvres tout au long de la ligne 98C, donc pour Boussu-Colfontaine. L'objectif de ce projet était vraiment de pouvoir aménager la voie avec des œuvres d'art durables, en faisant participer les habitants, mais aussi en donnant une portion de terrain à la population pour leur permettre d'améliorer la qualité de vie de leur quartier. Tout le projet était coordonné par le Centre d'expression et de créativité Blanc Murmure. Et franchement, on peut dire que c'est une très belle réussite. Ah, je confirme, on a mis quelques photos d'ailleurs dans le livre du Beauvélo de Ravel, écrit par Frédéric Thiébault et paru chez Werich Éditions. C'est magnifique. Alors, j'ai entendu dire aussi qu'il n'y a pas que des œuvres d'art sur cette ligne de Ravel. Il y a aussi des usagers bien particuliers qui l'empruntent. Oui, il y a des petits envahisseurs là sur le Ravel 98, enfin, des utilisateurs que l'on oublie un peu trop souvent de prendre en compte. Ce sont des petits crapauds en fait qui avaient pour habitude de traverser une portion du Ravel pour se rendre dans leur habitat naturel. Ça a commencé à créer des petits soucis et donc on a dû créer une petite mare pour, du côté du bois d'encre. Et donc il a fallu réfléchir pour pouvoir adapter le Ravel pour que ces petites bêtes puissent toujours continuer leur déplacement. Donc vous faites attention au type d'utilisateur du Ravel mais aussi au paysage qui entoure le Ravel.

l'heure, c'était Madonna sur Vivacité. Il est 13h05, il est grand temps d'accueillir Émilie qui est là avec son hit parade, son défi. Ouais. Hein. Et donc, EY et Hawaï dans un instant, mais d'abord Portugal. Hein. Portugal, on va y retourner. Avec le top 3 du Portugal, vous connaissez tous ces morceaux puisqu'ils sont aussi dans le tip top. En troisième position, c'est Kungs. Avec This Girl, numéro 2 du tip top portugais, c'est Henrique Iglesias. Mais qui est numéro 1 du tip top au Portugal? Eh bien oui, c'est lui, ils ont gagné l'Euro, c'est normal, c'est toujours David Guetta. Avec la musique, l'hymne de l'Euro 2016. Non mais j'ai été vite pour faire le Portugal parce que je suis impatient quand même de vous entendre, Émilie. Oui. Parce que quand même, hier, vous avez accepté le défi de nous dire ce qui fonctionnait bien à EY, donc en province de Liège, ouais. Et à Hawaï, là-bas où il fait magnifique. Bon alors normalement, si tout va bien, normalement on devrait se mettre dans l'ambiance Hawaï. Ok, allons-y. On va se mettre dans l'ambiance Hawaï ? Oui. Ah ben on y va. Ça vous dit ou pas ? Ouais. Ouais, c'est ça qui fait. Bah c'est Calvin Harris et Rihanna. Voilà, donc ça c'est le top 3. Ah. Le top 2, c'est Drake. C'est à Hawaï. Ah ouais, bah c'est comme qu'on écoute nous, en fait. À Hawaï. Mais on écoute ça ici aussi. Bah écoutez, Hawaï est quand même un état des États-Unis, je ne vous apprends rien. D'Amérique. Alors, d'Amérique, ouais. Donc j'aurais pu vous passer Ease. Mais bon, non, c'est ce qu'on écoute aujourd'hui, c'est ce que vous m'avez demandé. Ouais, ouais, bien voilà. Sûr. Et donc le numéro 1, c'est celui-ci. Ah, c'est Sean Paul, ça, c'est bon ça. Hein. Ah ouais. Avec Sia. Ouais. Ah, terrible. Ça, c'est top. Hein. Ouais, c'est pas finalement, j'ai l'impression d'être à Hawaï quand j'écoute la radio aussi. Mais hein, ouais, ouais, ouais. Alors maintenant, si vous allez dans la province de Liège et que vous allez à EY. À EY. Alors c'est ça. Ouf, tout. Ah, bah oui. Ah. Vous m'avez demandé, je l'ai fait. Oui. Dis-moi. Qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre? Le nom d'un animal. Puma. Cougar. Voilà ce qu'on écoute à EY. Ah bah évidemment, avec le safari, etc. C'est chouette. En plus, on vous emmène de temps en temps, vous offre des places sur l'université. Bon, il faut trouver un défi pour demain. Un défi pour demain. J'ai bien envie d'aller dans un endroit... Au Groenland. Ah bon, au Groenland? Non, Groenland, non, bah ou en Islande. Ils écoutent de la musique? Bah j'espère que oui, pour eux. Ah ouais. Ou ils en font peut-être, je sais pas. Au Groenland. Au Groenland, bah, écoutez, ou okay. Islande. Allez, je vous laisse faire Groenland ou Groenland. Groenland. Ou Groenland aussi, c'est autre chose, Groenland. On fait comme ça. Bon, très bien. Allez, Émilie, il est grand temps que je vous cède la place puisque c'est l'été du bon côté et je ne voudrais manquer l'émission pour rien au monde car ça va être très chaud cet après-midi. Ça va être très chaud. Alors si on vous emmène au Groenland demain où il fait froid, cet après-midi ça va se réchauffer puisque nous allons parler de ces fameuses petites choses qu'on peut faire pour redevenir la maîtresse de son homme ou maître de sa femme, enfin dans le sens retrouver une sexualité, retrouver une complicité. Super. Entre hommes et femmes, entre femmes et femmes, entre hommes et hommes, peu importe, on va prendre du temps pour nous. Et tout de suite c'est la météo avant de vous retrouver Émilie avec Caroline Gillet. La chimée dorée, caractère, fraîcheur et légèreté pour l'été. Chimay, les accords bières et fromages depuis 1876. Très belle journée à tous. Cet après-midi, la partie active de la zone de pluie va se décaler vers l'est et le sud du pays. On pourra encore avoir quelques bonnes averses là-bas. Ailleurs, on aura plutôt un ciel gris avec quelques faibles pluies, voire seulement de la bruine. Les maxima sont trop bas pour la saison, entre 16 et 20 degrés seulement. Ce soir et cette nuit, le vent soufflera assez fort au littoral. On gardera un ciel chargé avec encore quelques faibles averses. Les minima iront de 14 à 18 degrés. Demain matin, on va rester dans cette atmosphère grise et humide. Dans la journée, on pourra retrouver un temps plus sec sur l'extrême nord du pays ainsi qu'à la mer. Ailleurs, en revanche, les averses se feront à nouveau plus soutenues. On pourra avoir quelques degrés de plus demain puisque nous aurons 18 à 23 degrés. La 2 en télé. Ruben est resté jeune. C'est en compagnie d'amis humoristes qu'il présente son dernier spectacle. Moi, je roule en 4x4, je nique la couche d'ozone. Mais à côté de ça, je consomme bio. Ruben fête ses 25 ans sur scène ce jeudi soir sur La 2. Bonjour tout le monde. monde, bienvenue sur Vivacité les 13h. Pourquoi les jeunes sont-ils si nuls en maths? La moitié seulement des élèves de deuxième secondaire a réussi l'examen commun cette année, les plus mauvais résultats depuis le début des tests. Et donc en nous, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des maths en rattrapage. Les restos, les prix des abonnements télécom sont trop chers en Belgique. L'inflation est plus sérieuse chez nous que dans les pays voisins. Le ministre de l'économie veut savoir pourquoi il demande une enquête au ministère de l'économie. La cathédrale de Rouen sera trop petite dans une heure pour accueillir tout le monde. Les funérailles de Jacques Hamel, le curé assassiné mardi dernier par deux terroristes, seront retransmises sur écran géant. Et puis nous vous parlerons de cette nouvelle ruée vers l'or. Les magasins qui vendent des batteries additionnelles pour les GSM sont en rupture de stock. C'est la faute au Pokémon Go.